Pape pa son segon, san ou. Pape pa son jounen, san bali bib mwen. Non. Mpou mè tout seigneur, pape pa son segon, san ou. Ok, listen, listen. On se gout se ou fekèm bat for, sentim pa viv ankor, sentim dou pre la mor. On se gout se ou met lo nanche, se la kacha vive, menm te apren tremble. On se gout se ou fek tout bagay vin vol, kombat tout se ou sol. Sentim perdi kontrol. On se gonde se ou fèm perdi pon sens mwen. Sa ki mal semble bien. A oui, bezwe prezansyon nan la vi. Papa son se gonde se ou. Oh non. Papa son minik se ou. Jamè, jamè. Pa jèm ka pase joun se ou. Sa passe tout seul. On se gonde à coup, c'est la vie n'est allée. Qu'est content sans rester. Bénédiction t'a coulé. On se gonde à coup, c'est la non moué béni. Moué par les gens finis. Par les dire présents sous dans la vie moué. Papa son se gonde. I would spend all of my days